Esther chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit de grands honneurs à Aman, fils d'Amédatha, Agagien, il l'éleva, et mit son trône au-dessus de tous les seigneurs qui étaient avec lui. Et tous les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, s'inclinaient et se prosternaient devant Aman, car le roi en avait ainsi ordonné. Mais Mardochée ne s'inclinait point, ni ne se prosternait point devant lui. Et les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi, disaient à Mardochée, « Pourquoi violes-tu le commandement du roi ?» Il arriva donc qu'après qu'ils le lui eurent dit plusieurs jours, et qu'il ne les eut point écoutés, ils le rapportèrent à Aman, pour voir si les paroles de Mardochée seraient fermes, parce qu'il leur avait déclaré qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne s'inclinait, ni ne se prosternait point devant lui, et il en fut rempli de colère. Or il ne daignait pas mettre la main sur Mardochée seul, mais parce qu'on lui avait rapporté de quelle nation était Mardochée, il cherchait d'exterminer tous les Juifs qui étaient partout le royaume d'Assuérus, comme étant la nation de Mardochée. Et au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta pur, c'est-à-dire, le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, et le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Et Aman dit au roi Assuérus, il y a un certain peuple dispersé entre les peuples, par toutes les provinces de ton royaume, et qui toutefois se tient à part, duquel les lois sont différentes de celles de tout autre peuple, et ils ne font point les lois du roi, de sorte qu'il n'est pas expédié au roi de les laisser ainsi. S'il plaît donc au roi, qu'on écrive pour les détruire, et je délivrerai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui manient les affaires, pour les porter dans les trésors du roi. Alors le roi tira son anneau de sa main, et le donna à Aman, fils de Amédatha, Agagien, oppresseur des Juifs. Outre cela, le roi dit à Aman, cet argent t'est donné avec le peuple, pour faire de lui comme il te plaira. Et le 13e jour du premier mois, les secrétaires du roi furent appelés, et on écrivit selon le commandement d'Aman, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province, et aux principaux de chaque peuple, à chaque province selon sa façon d'écrire, et à chaque peuple selon sa langue, le tout fut écrit au nom du roi Assuérus, et cacheté de l'anneau du roi. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, afin qu'on eût à exterminer, à tuer et détruire tous les Juifs, tant les jeunes que les vieux, les petits-enfants et les femmes, dans un même jour, qui était le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et à piller leurs dépouilles. Les patentes qui furent écrites, portaient, que cette ordonnance serait publiée dans chaque province, et qu'elle serait proposée publiquement à tous les peuples, afin qu'on fût prêt pour ce jour-là. Ainsi les courriers, pressés par le commandement du roi, partirent. L'ordonnance fut aussi publiée dans Susan, la ville capitale. Mais le roi et Aman étaient assis pour boire, pendant que la ville de Susan était en perplexité.